إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours de Cheikh Bazmoul, Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète, alayhi salatu salam. Et on avait commencé le chapitre concernant la sutra et son obligation, chapitre qu'on n'avait d'ailleurs pas terminé, qu'on va terminer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. On est arrivé à al-mas'ala al-rabi'a, si je me souviens bien. Sahoulala. Quatrième point. Et il dit, Cheikh, al-mas'ala al-rabi'a, ma hukm ittikhadi al-sutra? Wa lil jawabi ala hada al-su'al, adhkuru laka madahib ahli al-ilm fi dhalik. Faqala al-Cheikh, hafidhahu Allah ta'ala, dhahab al-hanafiyyatu ila annahu يستحب أن يتخذ المنفرد والإمام سترة يضعها بين يديه. Donc ça c'est quoi l'avis de qui de l'Ahnaf, l'Hanafiya, c'est ceux qui se revendiquent du madhab d'Abu Hanifa, et ils disent quoi? Ils disent que c'est mustahab. On va traduire ça après, inshallah. On rapporte les différents madhahib, on traduira après, inshallah. وذهب المالكية إلى أن السترة سنة للإمام والمنفرد. وذهب الشافعية إلى أنه يسن أن يصلى إلى سترة، وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب. Et ici je pense qu'il y a un hadf ici, en tout cas يستحب أن يصلي إلى سترة أو يصلى إلى سترة. وذكر في المبدع أن قول الأصحاب أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يستحب للمأموم سترة. وبعد فإن حكم اتخاذ السترة هو أنها سنة مؤكدة بدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه قرين. والحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم صححه على شرط مسلم. والحديث أصله في مسلم ولفظه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يضع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قلت يعني أي شيخ بزمول، ظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، ويتأكد ذلك بالسنة العملية عنه عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عنه أنه صلى صلاة دون سترة، مع قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث أخرج البخاري في كتاب الآذان باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة. وقد صرف هذا جليس un peu long en arabe mais pour traduire le tout en français ensuite inshallah. وقد صرف هذا الوجوب إلى السنة المؤكدة بقرينة ما جاء في السنة من الدلالة على صحة الصلاة صلاة من صلى إلى غير سترة ما دام لم يمر بين يديه الحائض والكلب الأسود والحمار. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul dans ce quatrième point sur le chapitre, dans le chapitre concernant la sutra et son obligation? Il dit, c'est une question, quel est le jugement concernant le fait de prendre une sutra? Parce qu'il faut comprendre ici une sutra pour prier évidemment. Et en réponse à cette question, c'est Cheikh Bazmoul qui parle, il dit, je te cite les différentes écoles des gens de science à ce sujet. Et il dit, il donne des références, vous les notez, Inch'Allah, voir Al-Fiqh al-Islami, volume 1, page 752, et Al-Mawsu'at al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, volume 24, page 177, page 177. Il dit que les Hanafites, yani les Ahnaf, ont l'avis que c'est quoi? Que c'est mustahab, préférable. Pour l'imam et celui qui prie seul, qu'on appelle comment? On appelle imam wal al-munfarid. Hein? Donc c'est pour l'imam et celui qui prie seul, munfarid, de prendre une sutra. Les malikites, hein, al-malikiyah, ils ont dit quoi? Ils ont l'avis que la sutra est une sunnah pour l'imam et celui qui prie seul, ce qu'on appelait al-munfarid. Al-shafi'iyah, les shafi'ites ont l'avis qu'il est une sunnah de prier en direction d'une sutra. Al-Hanabila, les Hanbalites ont l'avis qu'il est préférable de prier en direction d'une sutra. Il était rapporté dans Al-Mubdi' volume 1, page 492-492, que l'avis des gens du Madhab, Al-Ashab, est que la sutra de l'imam est une sutra pour celui qui prie derrière lui. Hein? Et ça répond à une des questions qui avait été posée après le cours par un des frères qui avait cité au cours la dernière fois. Hein? Et voilà, la réponse est ici, c'est que la sutra, hein, que l'imam est une sutra pour celui qui prie derrière lui, derrière l'imam. D'accord? Et Cheikh Bezoumoul, il continue, il dit, le jugement concernant la sutra est que c'est une sunnah mu'akkada. Donc l'avis de Cheikh Bezoumoul, c'est quoi? Que c'est une sunnah mu'akkada. On en parlera à la fin, Inch'Allah. On lit d'abord l'avis de Cheikh Bezoumoul, il dit que c'est une sunnah mu'akkada. Avec pour preuve de cela, hein, comment est-ce qu'il est arrivé à ce hukm-là? Eh bien, c'est le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhuma. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne prie qu'en direction d'une sutra et ne laisse personne passer devant toi. Et si la personne refuse, hein, empêche-le de passer, car il a un qarin, et on avait dit que c'était un shaitan, un démon, un diable avec lui. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Khuzaymah, numéro 820, et Al-Hakim, qu'il a jugé authentique selon les conditions de l'imam muslim. Shir dit, la base de ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, avec la formulation suivante. Quand l'un d'entre vous prie, qu'il ne laisse passer personne devant lui. On avait déjà vu ce hadith la dernière fois. S'il le refuse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il le combatte. Car le diable est avec lui. Hein? Et Cheikh Bezmoul dit, ce qui est apparent dans ce hadith, c'est qu'il indique l'obligation. C'est quoi? Al-wujub. Et ceci est renforcé par les actes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapportés dans la sunnah. Car il n'a pas été rapporté qu'il ait prié sans sutra. Avec en plus sa parole, priez, comme vous m'avez vu, priez. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 631. Cheikh fait un commentaire par rapport à ça. Enfin, il continue plutôt. Et c'est, là, il a parlé de ce qu'on appelait quoi? Al-Wujub. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a dit au début? Que c'est une sunnah mu'akkada. Donc, il y a quoi ce qu'on appelle un sarif. Il y a un sarif. Et c'est ça qu'il va parler maintenant ici. Il dit, cette obligation a été ramenée, si vous voulez, hein, au jugement de sunnah mu'akkada parce qu'elle a été rapportée dans la sunnah qui indique, hein, écoutez bien, qui indique l'authenticité, la validité de la prière de celui qui prie sans sutra. Hmm? C'est-à-dire que la prière de celui qui ne prie pas en direction d'une sutra. Tant que ne passe pas devant lui, ça c'est important, tant que ne passe pas devant lui, hein, on a dit en arabe, on a dit quoi, hein, al-ha'id, c'est quoi la femme qui est en état de règle, hmm? Le chien noir et l'âne, al-kabl al-aswad ou al-himar. Pour preuve de cela, ce qui a été rapporté de Abdullah ibn al-Samit de Abu Dharr, il dit, on n'a pas encore lu le hadith en arabe, hein? On va le lire d'abord en arabe, c'est mieux inshallah, comme ça tout le monde profite. من ذلك ما جاء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل أو الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب قدر ما يستر أو يستر المصلي. الشيخ الكوتينيو ديزان فيوصل الشيخ ويقول: ووجه الدلالة في الحديث أنه يفيد أن صلاة المسلم إلى غير سترة صلاة صحيحة، ولكنه معرض لقطعها بمرور هذه المذكورات، فما دام الصلاة تصح مع ترك السترة إذن السترة ليست بواجبة. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul ici? Il dit, pour preuve de cela, c'est-à-dire que preuve de cela que l'obligation était ramenée à Sunan Mu'akkada. Il cite la preuve, il dit, ce qui était rapporté de Abdullah ibn Samit, de Abu Dhar, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un d'entre vous prie, il lui suffit comme sutra, s'il y a devant lui quelque chose d'identique au bâton qui se trouve à l'arrière de la selle. Ça, on avait déjà expliqué au dernier cours. Hein? Alaykoum salam. On avait dit que c'était quoi? Qu'est-ce qui se trouve à l'arrière des selles? Qui a quoi? Ce qu'on appelle un? En arabe. Il y avait deux manières. On avait dit qu'il y avait deux louras. Eh ouais, quoi? Hein? Non, tu parles des deux types de définitions. Lourawi ou estilahi. Moi, ce que je parle ici, c'est le bâton qui se trouve à l'arrière de la selle. مؤخرتي الرحلي وانا في دي شيختان يديز مؤخرتي ها يا في دو لوغ انا في دي لا دون على كل حال اي سي كوا سي الباتون سور لوكيل لو كافاليير س ها بوز سون دو س تيان lorsqu'il assis sur une selle d'accord on avait vu déjà vu ça à la كل حال c'est juste un rappel il dit s'il n'y a pas devant lui quelque chose identique hein en hauteur c'est ça qu'il faut comprendre au bâton qui se trouve à l'arrière d'une selle sa prière est alors coupée par l'âne la femme et le chien noir. Hein? Et Cheikh Al-Ethiopie, dans Sharh Sunan Nasa'i, il dit que la femme, c'est spécifique à la femme qui a ses règles. Hein? Je dis, ô Abu Dhar, qu'en est-il du chien noir par rapport au chien rouge et au chien jaune? Hein? Il dit, ô mon neveu, c'est-à-dire, ô fils, Yabna Akhi, ô fils de mon frère, ô mon neveu, j'ai questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme tu m'as questionné. Et il a dit, ce chien noir, le chien noir, Afwan, est un shaitan, est un démon. Donc il a montré, pourquoi le chien noir, il coupe la prière. Comme l'a dit Cheikh Al-Ethiopie dans Sharh Sunan Nasa'i, dans Sharh Sahih Muslim également. À la Kouli Hal, c'est un hadith, je vous donne la référence, rapportée par un muslim, numéro 510. Cheikh dit, ce hadith est une indication que la prière du musulman qui ne prie pas en direction d'une sutra est valide. Mais en même temps, il est exposé à quoi? À être coupé. Là, sa prière est exposée à être coupée si l'une des choses citées, bimurur, qu'est-ce qu'il a dit en arabe? Il a dit bimurur hadihi al-madhkurat. Al-madhkurat fil hadith. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est-à-dire hadihi al-umur al-madhkurat fil hadith. Et il dit, sa prière est alors exposée à être coupée si l'une des choses citées dans le hadith passe devant lui. Et Cheikh, il termine en disant, ce point-là en tout cas, tant que la prière est valide, sans sutra, eh bien la sutra n'est alors pas quoi? Obligatoire. Alors ici, une petite remarque de ma part. On avait dit qu'en général, surtout quand on a fait le livre de Cheikh Al-Abbad, vous vous souvenez, qu'on ne rentrait pas dans Masail Khilaf, etc., qu'on se focalise sur ce que dit Cheikh Al-Mahsil Abad, qu'on prend, c'est un grand imam, c'est un muhaddith, c'est un savant connu par le grand savant de cette communauté qui est encore vivant d'ailleurs à Médine maintenant, hafidahullah ta'ala. On se limite à ça, et pour Inch'Allah, quand on aura plus de bases, à ce moment-là, si les frères veulent regarder notre avis, qu'ils ont la capacité de faire le tarjih entre les avis, à ce moment-là, c'est possible. Mais ici, je voudrais faire un point quand même par rapport à l'avis de Cheikh Bazmoul. Ici, c'est que l'avis que la sutra est obligatoire, et pour moi en tout cas, Allah alam, c'est l'avis le plus fort. Et c'est la vie de Cheikh Al-Albani d'ailleurs, rahimahullah. Hein? Et c'est celui qui se retrouve dans le titre du chapitre. Qu'est-ce qu'il a dit dans le chapitre? Il a dit Babu sutrati wa wujubiha. Ou bien il a dit As-sutratu wa wujubuha. Plutôt, d'accord, hein? La sutra est son obligation. Et c'est également l'avis de Cheikh Mohammed ibn Adam l'Éthiopie. Hein? Il dit qu'al-rajih, al-rajih, il dit que c'est al-wujub. Je vous donne la référence pour les frères qui ont déjà des bases dans l'osoul, dans le l'oral arabia, dans le mustalah, hein, pour comprendre, parce que Cheikh, il rentre, il y a pas mal de pages sur le sujet, il rentre dans le khilaf, il rapporte les différents avis, etc. Il rapporte direct dans l'osoul, dans le mustalah. Hein. Je vous rapporte les références, je vous donne les références. Donc c'est Cheikh l'Éthiopie dans son Sharh de Sunan Nasa'i, volume 9, à partir de la page 169. Mais il parle plus du wujub à partir de 172 jusqu'à 179. Le chapitre commence à 169, volume 9. Et voir également son charh à lui de Cheikh l'Éthiopie de Sahih Muslim, volume 11, page 304 et suivante. Il rapporte d'ailleurs une parole d'Ibn Rajab, hein, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, que certains parmi les gens de science ont dit que la sutra est obligatoire, mais qu'elle n'est pas annulée. C'est-à-dire quoi? La prière n'est pas annulée, n'est pas rendue non valide par le délaissement de la sutra. Hein? Et une précision ici, tant qu'il n'y a pas de passage qui annule la prière devant celui qui prie et pour lequel la sutra a été légiférée. D'accord? Hein? Donc c'est l'avis de Cheikh l'Éthiopie, il a cité, parce que Ibn Rajab rapporte les différents avis. Et subhanallah, je voulais vous le dire et j'attendais de trouver une parole d'un savant. Allah Azzam a facilité la chose avec la parole d'Ibn Rajab ici. Et donc c'est quoi? C'est que c'est une obligation, mais que si quelqu'un ne prend pas une sutra, qu'est-ce qui se passe? Sa prière est toujours valide. Et ici, évidemment, il a fait sa prière correctement. Ça, c'est un autre sujet dont on a déjà parlé dans nos durus de Shurut Salah et concernant les conditions, les piliers et les obligations de la prière. Maintenant, on attaque le cinquième point. Inch'Allah, il dit Al-Mas'alatul Khamisa. Pour les frères qui ont la même édition que moi, page 156 en bas. المسألة الخامسة ما هي الآداب المشروعة في السترة؟ Et normalement, vous devez déjà être capable de répondre à cette question-là. Parce qu'en fait, c'est une guise de résumé, si vous voulez, de tout ce qu'on a vu par rapport à la sutra. On lit ça ensemble. على كل حال, il répond Cheikh فأجاب بقوله هناك جملة من الآداب المشروعة هي الأمر الأول. Peut-être pour les frères arabophones déjà notés en arabe, les frères francophones qui attendent la traduction. أن يكون بين السترة وبين المصلي ثلاثة أذرع. C'est-à-dire quoi, hein? Et ouais, les frères, c'est-à-dire quoi? La question d'abord, quelles sont les bienséances légiférées concernant la sutra? Qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, c'est qu'il y ait entre celui qui prie et la sutra une distance de 3 coudées. Hein? Deuxième, il dit l'amru thani, an yakuna bayna mahal as-sujud wa sutra qadra murur ash-shah ou qadra murur shatin. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit deuxième bienséance, deuxième adab, c'est qu'il y ait entre l'endroit de prosternation, et ça, il faut comprendre l'endroit où on se prosterne, où on pose le front, d'accord, et le nez bien sûr, et la sutra, une distance de quoi laisser passer un mouton, comme on avait déjà vu dans le dars précédent. D'accord? Afwan? En fait, comme on avait dit au début, dans le dars précédent, c'est que quand tu es debout, entre toi et la sutra, c'est 3 coudées, talat adroa. Ah, exactement. Ça, c'est la distance quand tu es en sujoud, le point de prosternation. Donc, on a dit, troisième point maintenant, l'amru thalith. On va terminer d'abord le deuxième point, Inch'Allah. L'amru thalith, annahu idha marrat bahimatun ou tiflun saghir la yumayyiz wa arada al-murura bayna al-musalli wa sutratihi la yada'hu bal yataqaddamu hatta yamurra min khalfihi. للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا يمر بين يديه وبين السترة فقد كان يصلي إذ جاءت شاه تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. Et ça, c'est un hadith qu'on avait déjà vu, mais c'est bien, ça fait en guise de résumé ici qu'on puisse avoir un sommaire de ce qu'on a déjà fait, inshallah. Il dit, troisième point, si une bête, et il faut comprendre ici un mouton, un brebis, un mouton ou une brebis, il dit, ou un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de témise, il a dit le cheikh ici, à l'âge de distinction. S'il passe devant celui qui prie, qu'il ne le laisse pas, hein, mais qu'il fasse quoi? On avait déjà dit ça dans le dars précédent, qu'il s'avance, exactement, qu'il s'avance afin qu'il ne puisse pas derrière passer, qu'il puisse passer derrière celui qui prie. Hein? Et on va voir le hadith et comment le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait dans la même situation. Il dit, et ce en raison du hadith cité par l'auteur, et c'est évidemment Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le hadith dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne laissait rien passer devant, hein, lui, entre lui et la sutra. Il priait, et lorsqu'un mouton vint à passer devant lui, il le prit de vitesse et colla son ventre au mur, et le mouton passa derrière lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand un petit enfant veut passer, hein, ou un mouton, une brebis, d'accord? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu l'empêches pas, hein, comme un adulte, un être humain. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches, hein, et tu le laisses passer derrière toi, d'accord? Il dit l'amr rabi' ما يتعلق بالمسلم إذا رأى الإنسان يصلي فلا يمر بين يديه وعلى المصلي أن يدافع من يريد المرور بين يديه إذا كان مميزا عاقلا. Vous avez la condition ici, إذا كان مميزا عاقلا. لما ذكر المصنف من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans le quatrième point? En ce qui concerne le musulman, s'il voit quelqu'un prier, il se doit de ne pas passer devant lui. Hein, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un wa'id shadid. Hein, c'est ce qu'on va voir dans le dernier hadith que le cheikh cite ici, qu'on a déjà vu dans le cours passé. Il dit, il se doit de ne pas passer devant lui. Et celui qui prie, si quelqu'un veut passer devant lui, qu'il l'en empêche. Mais est-ce qu'il s'est tué, cheikh, ou il a rapporté des conditions à ça? Il a dit, s'il atteint quoi? Quel âge? L'âge de? Hein? Il a dit, « Idakana mumayyizan aqila. » S'il a atteint l'âge de distinction et de raison. Hein? Et il dit, cheikh, il dit, s'il a atteint l'âge de la raison et de la distinction. Et c'est en raison du hadith que l'auteur a cité, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quand l'un d'entre vous prie en direction d'une chose qui le protège des gens, et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le pousse, hein, au niveau de la gorge, et le repousse autant qu'il peut. Et dans une autre version, dans une autre riwaya, une autre narration, qu'il l'empêche deux fois. Et s'il refuse, alors qu'il résiste, car en vérité c'est un shaitan, c'est un démon, c'est un diable. Et il dit, si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il encourt, il préférait attendre 40 plutôt que de passer. D'accord? On avait dit que 40, on ne savait pas ce que c'était, que ça n'avait pas été cité. 40. Et c'est quand vous retournez au Sharh de Cheikh l'Ethiopie, vous voyez qu'il dit que c'est un wa'id shadid. Hein? Notamment au Sharh Bulugh al-Maram de Cheikh al-Bassam, vous allez voir que ce n'est pas une chose facile. Il faut faire attention de ne pas passer devant les gens. Hein? Cinquième point, il dit. Alors moi je ne sais pas ici, moi je pense que j'ai une faute dans l'édition, il remet directement quatrième point, la mas'alatu rabi'a, alors qu'on avait vu le cinquième avant, c'est ça ou là? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Toi tu as mas'alatu khamisa deux fois, page 157, hein? Oui? Ok. الأمر الخامس مش بغلي دابخيم مش بغلي الأمر الخامس على المصلي إذا صلى إلى سترة أن يدنو منها للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Cinquième point ici, il dit que celui qui prie en direction d'une sutra doit s'en approcher en raison du hadith cité par l'auteur, qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah, quand l'un d'entre vous prie en direction d'une sutra, qu'il s'en approche, hein, qu'il s'en approche, afin que Shaitan ne lui coupe pas sa prière. D'accord ? Après, ensuite, il rapporte le mas'al al-rabi'a. Vous avez la même chose ? Hein ? Je pense que c'est ça, dit ça ici, et sabi'a après. Parce qu'avant, on avait le khamisa. À la kulli hal, on lit ça ensemble, inshallah. Sixième point, le mas'alatu sadisa, on va l'appeler comme ça, inshallah. On a numérote comme ça, inshallah. Ma hukmu man yusalli bi ghayri sutratin wa marra bayna yadihi al mar'atu, ou al himaru, ou al kalb al aswad. Maintenant, c'est une question qu'on doit se poser. C'est quoi le hukm de celui qui prie sans sutra ? Et que l'une des choses citées dans le hadith passe devant lui, comme par exemple la femme, hein ? L'âne et le chien noir. Cheikh dit al jawab idha salla ahadun ila ghayri sutratin fa annahu yaqta'u salatahu murur al mar'a wal himar wal kalb al aswad fima baynahu wa bayna sutratihi amma idha kana bayna yadayhi sutrah fa innahu la yaqta'u salatahu shay wad dalil al hadith al mutaqaddim an abi dhar. C'est le hadith qu'on a déjà cité de Abu Dhar radhiyallahu anhu wa ardah. Donc sixième point, quel est le jugement, c'est encore une question. Quel est le jugement de celui qui prie sans sutra? Donc vous situez un peu maintenant. Il prie mais sans sutra. Et que passe devant lui une femme ou un âne ou un chien noir. On avait dit que Cheikh l'Éthiopie, il disait que c'était muqayyad bi al-ha'id. Hein? La réponse, si quelqu'un prie sans sutra, sa prière est coupée par le passage d'une femme ou d'un âne ou d'un chien noir entre lui et sa sutra. Hein? Vous suivez ou pas? Si vous suivez, il y a déjà quelque chose qui doit vous... Hein? Voilà, exactement. À mon avis, ce qu'il a voulu dire, hein, c'est à l'endroit où il devrait avoir sa sutra. D'accord? Parce que justement, comme il a dit au début, il ne prend pas de sutra. C'est à mon avis, Allah Alim, c'est ça, c'est ce que j'ai compris moi ici en tout cas. Je répète la phrase, vous me dites ce que vous en pensez, et dis la réponse. Si quelqu'un prie sans sutra, il a dit sans sutra, sa prière est coupée par le passage d'une femme ou d'un âne ou d'un chien noir entre lui et sa sutra. Évidemment, ce qu'on comprend ici, Allahu a'lam, ce que j'ai compris moi, c'est l'endroit où devrait être sa sutra. D'accord ? Tandis que s'il y a une sutra devant lui, rien ne coupe sa prière. Et c'est en raison de quel hadith ? Le hadith de Abu Dhar qu'on a précité. Le septième et dernier point ici, en tout cas concernant ce chapitre, al-mas'alatu as-sabi'a, on va l'appeler comme ça, sutratu al-imam et sutratu liman khalfahu. Wa hadhihi min tarajum al-Bukhari. ويدل عليها أن الصحابة الذين صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنهم صلوا إلى سترة ولم ينقل أنهم منعوا من المرور بين أيديهم أثناء الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul ici, c'est le septième point, c'est que la sutra de l'imam est une sutra pour celui qui est derrière lui. Et ceci est d'ailleurs l'un des titres du chapitre de Al-Bukhari. Qu'est-ce qu'on avait dit dans beaucoup de nos durus, c'est que le fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Le fiqh de l'imam al-Bukhari, c'est dans ces titres de chapitre. Et ceci est d'ailleurs, comme il dit Cheikh, l'un des titres du chapitre d'Al-Bukhari. Et ceci est indiqué aussi par les compagnons, sahaba radiallahu anhum, qui ont prié derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été rapporté d'eux qu'ils ont prié avec une sutra. Est-ce qu'il faut comprendre ici pendant qu'ils priaient derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas été rapporté qu'ils ont empêché quelqu'un de passer devant eux durant la prière, leur prière derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve quoi? Ça indique quoi? Que, eh bien, quand on a un imam, l'imam est une sutra pour celui qui est derrière lui. D'accord? On a fini avec le cours. Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu le temps. Un frère aujourd'hui m'a demandé, yani, de rapporter un point de la vie de Cheikh Mokbil. Il dit peut-être qu'Inch'Allah, c'est des genres de choses qui font bouger un peu le cœur et qui... Hein? Donc je vous ai rapporté l'histoire de la maladie et de l'agonie de la mort de Cheikh Mokhbir, rahimahullah ta'ala. Et j'ai amené le livre en arabe ici pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil après, inchallah, qui veulent peut-être. C'est un livre qui est sur la biographie de Cheikh Mokhbir, à la Koulihal. Et donc, quelques points sur la maladie et la mort de Cheikh Mokhbir, rahimahullah ta'ala. Et je vous rappelle que ces savants-là, ils ont un droit sur nous, c'est de faire dua pour eux. Durant les dernières années de sa vie, les maladies ont attaqué Cheikh Mokhbir de manière féroce, malgré son âge avancé et la maigreur de son corps. Ce qui a eu pour conséquence d'aggraver l'état de santé du Cheikh, rahimahullah, et de ralentir certains de ses travaux. Et malgré cela, il était patient et continuait à lutter, à enseigner, écrire et donner la fatwa. Hein, et je voudrais que chaque fois que je parle de ça, que vous vous resituez par rapport à nous à chaque fois. Regardez comment les chiur dans leur vie, même dans la maladie, à l'hôpital, hein, dans une situation difficile, ils continuent toujours l'ibada, ils continuent toujours da'wa, ils continuent toujours à étudier l'ilm, etc. Regardez-nous, en guise de remise en question, regardez-nous où est-ce qu'on est par rapport à ça. Hein? Et il dit, et il continue à lutter, et à enseigner, et à écrire, à donner la fatwa. C'est un de ses élèves qui raconte ça. Et à sortir pour la da'wa. Jusqu'au jeudi 15 du mois de Rabi' al-Awwal, en l'an 1421 de l'Hégire, où il fut atteint par une hémorragie interne, rahimahullah, aiguë, à cause d'une maladie du foie. Vous savez, c'est assez connu chez les frères que Cheikh Mokhbir, il est mort justement de cette maladie du foie qu'il avait, rahimahullah. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Sana'a, qui est la capitale du Yémen. Et c'est Mohamed Abdullah Saleh, rahimahullah, qui en avait donné l'ordre, et s'était chargé des frais de l'hospitalisation pour Cheikh Mokhbir, rahimahullah. L'état du Cheikh s'est légèrement amélioré. Il s'occupa alors de prêcher et d'appeler à la religion d'Allah dans la ville de Sana'a ces jours-là. Regardez, il est malade, le Cheikh. Il est parti à Sana'a. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait da'wah. Il donna de nombreux cours par téléphone, notamment au centre de Dar al-Hadith à Dammaj. Plus de 1000 visiteurs par jour lui rendaient visite. Et de nombreux responsables lui rendaient visite. Il y eut beaucoup de bien dans ses visites, à tel point qu'un jour, un militaire de faction, qui était de garde, il dit « Qui est ce cheikh que tous les gens visitent ?» Il pensait que c'était le chef d'une tribu ou un haut dignitaire. Et comme dit le cheikh ici qui rapporte l'histoire, il dit « Il ne savait pas que c'était l'élévation en degré par la science. » Il cite le verset du Coran dans surat Mujadala « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat » Et la traduction rapprochée approximative c'est « Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auraient cru » qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Mujadala, verset 11. Cheikh fut conseillé ensuite de quitter le Yémen afin de se faire soigner. Il se rendit donc en Arabie Saoudite, et ceci par l'intercession de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il fut accueilli par des gens du ministère de l'Intérieur. Beaucoup de savants et d'étudiants le visitèrent. Il entra ensuite à l'hôpital spécialisé du roi Faisal. Il fit ensuite la Umrah. Vous voyez, le cheikh est malade, il fait la Umrah. Puis séjourna à Jeddah une semaine. Il demanda à rencontrer le prince Naïf, qui est le ministre des Affaires intérieures actuellement, Hafidhahullah Ta'ala. Vous savez que d'ailleurs, dernièrement, il y a même des tekfiris qui ont essayé de le tuer, vous savez ça ou pas? Il y a eu un attentat contre l'amir Naïf, un kamikaze qui a essayé de se faire exploser. L'amir a été très légèrement blessé à la Koulihal. Parce que ces juhouds sont connus au niveau de la Muharrab al-Khawarij, etc. Donc, il lui fit savoir sa maladie. Et ce prince lui conseilla de voyager aux États-Unis pour se faire soigner. Le prince prit à sa charge tous les frais. Donc, l'Amir Naïf, c'est lui qui a pris en charge tous les frais de l'hospitalisation de Cheikh Mokhbir, rahimahullah. Et donc, Cheikh Mokhbir disait de ce prince-là, Talib ilm la ba'sabih. Il donnait une tesquia de lui au niveau de la science. Et il dit. Cheikh se rendit aux États-Unis le jeudi 23 Jumad al-Akhir de l'an 1421 de l'Hégire. Il resta à New York, puis se rendit à Los Angeles. Il y resta plusieurs jours. Puis se mit à prêcher dans ce pays, Da'wa encore. Et beaucoup de gens profitèrent de lui parmi les Yéménites résidant aux USA, donc aux États-Unis. Il faisait le sermon du vendredi. Cheikh est parti se faire soigner. Il faisait le Jumu'ah. Et guidait la prière et répondait aux questions des groupes qui venaient et des gens au téléphone. Le lundi 5 du mois de Rajab 1421, il entra à l'hôpital qui était parmi les meilleurs aux États-Unis. Il y subit des analyses pendant une dizaine de jours, puis il fut décidé que Cheikh était en droit de subir une transplantation du foie. Et il fut inscrit dans la liste d'attente à cet effet. Il subit une opération, et je ne pense pas que ce soit une transplantation du foie, d'après ce que j'ai compris à la Koulihal, Puis il resta avec des frères et il donnait des cours par téléphone à plusieurs villes du Yémen et aux frères de Grande-Bretagne notamment. Le cheikh refusa ensuite une chimiothérapie car cela fait tomber les cheveux et fut soigné d'une autre manière. Il resta 5 jours à l'hôpital universitaire. Après cette opération, il y eut une légère amélioration et il se rendit en Arabie à la fin du mois de Shawwal car il avait demandé de pouvoir faire la Umrah et le Hajj. Allah lui facilita la chose, donc il fit l'Umrah et le Hajj. Et il avait un rendez-vous aux États-Unis, mais Allah acceptait ses invocations car il demandait beaucoup, Cheikh Maqbi Rahimahullah, qu'Allah ne le fasse pas retourner aux USA. Parce qu'il l'avait vu comme façade, etc. Ça l'avait choqué et il ne voulait pas retourner. Et il disait, je préfère mourir que de retourner aux États-Unis. Le visa donc lui fut refusé. Donc Cheikh dit que la dua de Cheikh Maqbi a été acceptée. Et il continue en disant, d'autres pays lui furent proposés et il se rendit en Allemagne en raison de leur avancement dans la médecine. Son état de santé s'était détérioré à cause d'un médecin des plantes qui lui avait conseillé d'arrêter de manger et de se limiter à boire de l'eau de Zemzem. Lorsque les médecins de l'hôpital du roi Faisal virent son état de santé, ils ordonnèrent d'accélérer son départ à l'étranger. Il voyagea vers l'Allemagne la nuit du jeudi 7 de Rabi al-Akhir 1422. Je connais notamment des frères qui l'ont visité lors de son séjour en Allemagne. Il fut placé dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital universitaire de Bonn, car il y avait beaucoup d'eau dans le ventre du cheikh Maqbi rahimahullah ta'ala. Il dut subir des analyses et l'eau fut retirée le 16 du 4e mois de l'an 1422 de l'Hégire. Et le professeur vint, un grand professeur de l'hôpital, et il dit qu'en fonction des analyses, que le cheikh n'était pas à même en état de subir une transplantation, il fut conseillé de rentrer au pays urgemment. Le contact fut pris avec l'ambassade saoudienne là-bas en Allemagne et un visa fut octroyé au cheikh et à ceux qui étaient en sa compagnie. Et son état s'était aggravé entre conscience et inconscience. C'est-à-dire que des fois le cheikh était conscient, des fois il était inconscient, rahimahullah. Malgré cela, les visiteurs arrivaient de toute l'Europe pour voir le cheikh. Il demanda à ceux qui étaient avec lui de lire le chapitre des invocations qui était l'Adhkar de Riyad Salihin. Qui s'y trouve, pour le bien qui s'y trouve. Il demanda à l'un de ses compagnons de lui rappeler le hadith de Jabir dans Sahih Muslim, que l'un d'entre vous ne meure qu'en ayant le bon soupçon envers Allah. « La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah » Regardez l'ulama, regardez le salaf, barakat salaf. Même dans leur agonie, dans leur mort, subhanallah, ils demandent qu'on leur fasse leur appel. Et il disait « Oh Allah, fais-moi vivre si la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Il écrit ensuite sa wasiya, sa recommandation, dans laquelle il demanda notamment d'être enterré au cimetière d'Al-Adl, près de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et de Cheikh Ibn Humayd, rahimallahu al-jami'. Puis il voyagea vers l'Arabie, il arriva à Jeddah et fut accueilli aux urgences de l'hôpital du roi Faisal. Le matin du 26 du 4 1422, il entra dans un coma constant. Et Cheikh Abdelaziz Al-Juhani lui fit talqin al-shahada. Vous savez c'est quoi talqin al-shahada, hein? C'est quand on vous dit la shahada dans l'oreille pour que vous la répétiez. Il lui dit la shahada dans son oreille et Cheikh la prononça de ses lèvres. Puis il sourit, rahimahullah. Et les gens pensèrent qu'il allait rire et parler. Mais c'était là sa dernière agonie. Il rendit les derniers souffles, rahimahullah, après le coucher du soleil du samedi de Jumad al-Awwal 1422, alors qu'il n'avait pas encore atteint les 70 ans. Il fut transporté à la Mecque. On pria sur lui à Al-Majid al-Haram à Mecca, après Salat al-Fajr. Il fut alors transporté au cimetière de l'Adl et il y avait tellement de gens présents. Et devinez qui a leur tête dans le cortège de la Janaza, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Il y avait tellement de gens qu'il était difficile de marcher. Il y avait également Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, qui est décédé d'ailleurs, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, rahimahullah. Et qui était le Cheikh de... Hein? Naam, il est décédé, naam. Il est décédé il y a plusieurs mois maintenant. Naam, il est décédé, rahimahullah. J'étais très malade aussi. C'est le cheikh de Cheikh Rabia, pour les frères qui ne le connaissent pas bien. Et c'est un cheikh, subhanallah, que j'ai eu l'occasion de voir, alhamdoulilah. Et cheikh Salih ibn Abdillah ibn Humeid, rahimahullah, cheikh Anna Mokbil, wa ulama al-da'wah, wa ulama al-muslimin. Et doua aussi pour les sœurs en général qui sont enceintes, et notamment des sœurs qui ont des complications dans leur grossesse. N'oublie pas, les frères et les sœurs dans vos da'wah. Wa jazakum allahu khairan. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se voit donc demain inchallah pour l'usul talata inchallah.